Vulcan. La melancolía del diablo en mis ojos, tras las miserias de mis párpados, las necesidades humanas sin disecar, una multitud de frágiles recuerdos. No hay cartas en la palma de mi mano, no existen elogios en las entrañas de mis oídos, no hay manera de interrumpir la guerra, ni hay treguas, tampoco piedad. Sombras de lamentos heridos de muerte. Si hay miedo por todas partes, hay miedo en el cielo y hay miedo en el infierno. Rezan los borrachos y las putas le gimen al Dios. Escupo el carozo podrido de la manzana. Ese es mi corazón, el carozo de la manzana que mordiera Eva, la primera ambiciosa. Latiendo y durmiendo, esperando el cese, la nada y el final, y a un boludo llamado Jim, flotando como un jabón usado en la propia mugre de su bañera parisina. This is the end. Il amen, il amen. Soignez-vous toujours un peu. Vous risquez aussi d'attraper un virus informatique sans risque. Les douaniers sont toujours là. The subliminal messages. Encore un certain nombre d'années avant de pouvoir être poursuivi devant la justice par industrie musicale. The subliminal messages. Alors, pourquoi continuer à vous exposer? Cependant, le mouvement est donné et peu à peu le volume a augmenté. Les douaniers sont toujours là. D'ores et déjà, on peut rêver d'aller un jour louer pour les vacances quelques pavillons de douane désaffectés.